Mesdames et messieurs, bonsoir à son Altesse Royale. La princesse Lala Hasna a présidé ce jeudi à la Foire Internationale de Casablanca l'ouverture de la 26e édition du Salon International de l'édition et du livre. Son Altesse Royale, la princesse Lala Hasna, a visité notamment les stands du département de la culture du ministère des Habous et des Affaires islamiques et de l'Institut Royal de la Culture Amazigh. Son Altesse Royale a ensuite visité le stand de la République Islamique de Mauritanie, invité d'honneur de cette édition. Son Altesse Royale a également visité les stands de l'Agence de développement des provinces du Sud, du ministère de la Justice, de l'institution du médiateur du Royaume, de la présidence du ministère public de Beit Mal al-Quds et du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle. Son Altesse Royale, Lala Hasna, a aussi visité les stands de l'Institut Cervantes, de l'Institut français des États-Unis, de People and Tangle Publishing House de Chine, de l'annexe culturelle de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, du Conseil national des droits de l'homme, de l'Université Hassan II de Casablanca, des maisons d'édition spécialisées dans le livre pour enfants et la croisée des chemins. Le bilan des victimes dues au coronavirus ne cesse de s'alourdir. L'épidémie a fait plus de 560 morts. Les mesures de restriction contre l'épidémie s'intensifient ce jeudi à travers le monde. Plus de 28 000 personnes sont désormais atteintes du nouveau coronavirus à travers la Chine, où un nombre croissant de villes impose à des dizaines de millions d'habitants des mesures drastiques de confinement. Hors de Chine continentale, plus de 240 cas de contamination sont désormais confirmés dans une trentaine de pays et territoires. De nombreux pays musclent leurs restrictions, comme par exemple le Vietnam et l'Italie, devenus les derniers pays en date à interdire l'entrée aux voyageurs arrivant de Chine. Un troisième cas de contamination par le nouveau coronavirus a été confirmé ce jeudi au Royaume-Uni. Un autre patient a été testé positif au coronavirus, portant à 3 le nombre total de cas au Royaume-Uni, a déclaré le médecin-chef de l'Angleterre. Selon lui, le patient concerné n'était pas entré en contact avec d'autres étudiants, rappelant que le Royaume-Uni a demandé mardi aux Britanniques résidant en Chine de la quitter afin de prévenir la propagation de l'épidémie. La situation humanitaire en Syrie inquiète de plus en plus en Syrie. Les violences font davantage de victimes côté civil. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, réclame la mise en place d'un accès humanitaire aux civils ayant besoin d'une assistance. Ces derniers qui subissent des raids quotidiens du régime à Idlib, dernier territoire tenu par des insurgés dans le nord-ouest du pays, déterminés à reconquérir les territoires qui lui échappent. Le pouvoir de Damas, qui contrôle désormais plus de 70% du pays, y a récemment intensifié ses attaques aériennes avec l'appui des forces russes, tout en poursuivant son offensive terrestre. Les violences ont fait plus de 520 000 déplacés depuis le 1er décembre. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo se rendra en Afrique mi-février pour son premier voyage au continent. Les 15 et 16 février sera Dakar pour évoquer avec le président sénégalais Macky Sall un renforcement des relations entre les deux pays en matière de sécurité et d'économie. Sa tournée l'emmènera aussi à Luanda où il rencontrera le président angolais João Lourenço. Enfin, jusqu'au 19 février, le secrétaire d'État fera étape à Addis Ababa pour rencontrer à la fois le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine dans le siège et dans la capitale éthiopienne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes sur Chaîne Inter, il est 18h passé de 4 minutes. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera à 19h.